Lubenga des Manassés repartent vers les du Jourdain, vers leur héritage. Mais sur la route, ils dressent un autel qui devient source de malentendus et d'orages. Israël croit à une trahison, une rupture dans l'alliance. Mes larmes se transforment en paroles quand la colère ose devenir vigilance. La méfiance épare vite, la vérité elle rassemble. Fais de nos autels des témoignages, pas des causes de division. Que nos actes parlent plus fort que les peurs et les soupçons. Fais de nos autels des témoignages pour les fils et les générations. Que l'unité traverse les rivières et survive à l'incompréhension. L'autel n'était pas pour sacrifier, mais pour appeler l'alliance vivante, pour dire au siècle futur: nous adorons le même Dieu, même à distance. Et la paix revient dans le camp quand l'intention est révélée. Car la vérité désamorce la guerre que l'imagination avait déjà déclarée. De division, que nos actes parlent plus fort que les peurs et les soupçons. Fais de nos autels des témoignages pour les fils et les générations. Que l'unité traverse les rivières et survive à l'incompréhension.